Bon, j'espère que cette fois il n'y aura pas de soucis techniques. Hein. Nous sommes en direct de la foire de Saint-Romain. Ah merde, mon téléphone. Allô, allô, allô, allô, est-ce qu'on m'entend? Allô? Test micro, 1, 2, 1, 2. On peut y aller. Bon, en ce moment, vous avez tout branché, les câbles, tout, les micros, on peut y aller. Ok, on y va. Salut et bienvenue dans Quoi qu'il se passe, partie after de Ponrein. Donc c'était la rencontre autour du podcast. Dans la partie before, j'étais avec DZ Rider et Péremptoire, mais malheureusement ils n'étaient pas dispo pour faire cet after. Mais j'ai avec moi David, Nemo et Lloyd. Salut. Yo, salut. Bonsoir. Donc vous étiez aussi tous les trois présents à Ponrein et en même temps dans la partie organisateur et ou chroniqueur pour les activités. Voir les deux. Voilà, voir les deux. Surtout les deux, d'ailleurs. Est-ce que, du coup, vous pouvez vous présenter un tout petit peu? Oui, alors moi, c'est Lloyd. Chance. Commencez. Bah, vas-y, David. Ah oui, c'est vrai que c'est toujours les plus petits d'abord. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, David, Bad Geek, ça va trancher, tout ça, c'est un peu de la même marmite, hein, grosso modo. Moi, j'étais à Ponrein, je suis arrivé en cours de route et j'ai essayé d'aider autant que je pouvais et voilà, c'était rigolo, c'était bien. Ok. Lloyd, du coup? Moi, je suis un peu le membre belge, en fait, de l'équipe de Ça va trancher, et même d'Eric Adi, même au final, et depuis finalement, même de Geeksec qui va trouver en invité permanent, enfin, était, du moins. Et donc, voilà, quoi, je suis venu de Belgique pour Ponrein, parce que, bon, ça avait l'air d'être sympa, et que, bon, bah, ça permettait de rencontrer d'autres podcasteurs, quoi. Et puis, il y avait aussi les copains de Bad Geek qui étaient là. Ouais. Oui, mais pas que ça. C'est une grande famille, le podcast. Et on finit donc du coup avec Nemo. Oui, donc moi c'est Nemo, donc pareil, badic.fr, Eric Adi, ça va trancher tout ça. Moi c'est un peu comme Lloyd, je suis venu de loin, j'étais au moins 10 minutes en voiture. Et non, Ponrein, bah, j'avais participé à la toute première édition de Ponrein qui s'est passée dans un bar. Et du coup bah, j'avais gardé des contacts un peu avec Monsieur Remptoire, Pépé Remptoire. Et Aiden, et du coup bah, je me suis un petit peu accroché quand ils ont commencé à faire l'organisation du 2 et puis voilà, et c'est au niveau de la location de la salle, on a mis Bad Geek dans la boucle et voilà, et du coup ben, on s'est dit que l'initiative valait carrément grave le coup et donc bah, voilà, on s'est mis à aider et au final je me suis retrouvé à squatter la scène pendant 3 heures. L'année prochaine on a loué quoi, c'est le Zénith? Le Zénith de Brest bien sûr. En plus, bah, votre association Bad Geek avait déjà dans l'idée de faire des enregistrements un peu partout en France dans ce style-là. Ouais, carrément. Mais ce qui nous manquait, nous, c'est le temps de le faire, parce que tu peux pas gérer un réseau, gérer les petites émissions à côté, et en plus gérer des événements. C'est difficile à lancer. Donc on a un peu sauté sur l'occasion que Ponrein avait besoin d'une association pour faire la location de la salle, pour aussi voilà, arriver avec nos gros sabots dans l'organisation et essayer d'apporter de nouvelles idées. Quoi. Parce que rappelons que Ponrein, quand même, ça s'est créé, c'est une idée de péremptoire qui disait, tiens, j'arrive à Rennes, est-ce que je rencontrais des podcasteurs qui habitent dans le coin? Et le truc, c'est qu'au départ, moi, c'est l'anecdote qu'il raconte tout le temps, mais... Oui, c'est ce qu'il a raconté pour la fin. Je ne la raconterai pas à nouveau. Et c'est vrai que pour faire du rassemblement de podcasteurs, on peut le dire, en 2012, on était à la Comic-Con et... C'est vrai qu'au niveau de l'orga, c'est un peu de la merde. Et du coup, Ponrein a un côté beaucoup plus familial. C'est beaucoup plus dans notre sujet, quoi. Oui, en plus, on se connaît à peu près tous à une poignée de bas, mais on se connaît, on se parle souvent sur Twitter, donc c'est vrai que c'est plus facile aussi comme ça. Ouais, sans forcément tous s'écouter beaucoup les uns les autres, mais au moins on sait qu'on est du même milieu, quoi. Donc on sait qu'on va plus ou moins dans le même sens, qu'on est plus ou moins d'accord, et c'est à la bonne franquette. Pour Ponrein, l'équation était simple. comment dire, il y avait l'événement qui avait besoin d'une association et nous on était une association qui avions besoin d'un événement. Donc, vous vous êtes bien trouvé au final. Ouais, bah je sais pas comment ça va se passer pour les années d'après d'ailleurs parce qu'on en a pas vraiment encore discuté. Mm-hmm. On en parle début juillet en théorie avec le reste de l'équipe, mais ouais, nous on est totalement partant de notre côté pour continuer. Et, voilà, nous il y aura pas de frein, c'est un pied monstre en plus de d'enregistrer avec du public. Là, c'était des podcasteurs, mais ça serait bien d'apporter des auditeurs ou des gens qui ne connaissent pas du tout le podcast, d'ailleurs. Mais rien que d'enregistrer en vrai, avec du vrai matos, plutôt que par Mumble ou Skype. Ou, enfin, avec les vrais gens qui sont en face de toi et qui réagissent directement. Ah, voilà. C'est vrai que c'est magique. Bah, disons que oui, après, Podren n'a pas vocation à être un truc hyper original en soi. C'est juste des gens qui se retrouvent. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect, comme dit David, le fait de faire des émissions. À ce niveau-là, c'est vrai qu'il y avait Podren 1 qui était un peu l'alpha. Là, c'était la bêta. Et je pense que voilà, vraiment, pour Podren 2015, il y aura véritablement plus d'enjeux. Après, le fait de se retrouver entre podcasteurs, ça se faisait déjà. Ça se faisait sur Paris, notamment. Mais bon, voilà, Paris n'est pas la France. Et il n'y a pas les mêmes galettes. Il n'y a pas les mêmes galettes, c'est vrai. Bah, surtout, on n'a pas les galettes saucisses en plus. Hein. Oui, non, c'est vrai. Ça, c'est au niveau de l'organisation, c'est le plus gros point faible, il n'y avait pas de galettes saucisses. Mais après, ça ne m'étonnerait pas qu'il se crée d'autres pods trucs. Quoi. Je veux dire, il n'y a aucune raison qu'il ne se crée pas un pod Strasbourg, pod Marseille, même pod Dunkerque, soyons fous. Mais tu vois, c'est... Ouais. Ah, c'est vrai. Oui, parce que cette bêta a été l'occasion aussi de tester une solution matérielle qui est finalement assez simple et pas onéreuse. Donc on sait qu'on peut réitérer l'opération plusieurs fois. Disons que si on voulait le faire plusieurs fois par an, on pourrait. D'ailleurs, en parlant de rémunération, il faut remercier les gens puisqu'il y avait une espèce de petite caisse qui permettait aux gens de donner. Et moi j'étais quand même assez surpris de la somme qu'il y avait au final, enfin que les gens ont donné. Parce que le but du jeu c'était que l'événement soit pas payant, honnêtement, voilà. Et parce qu'il y a des gens, déjà les gens payent pour venir, donc plus les hôtels, etc. Donc voilà. C'est l'occasion de dire merci aux gens qui ont donné quelque chose. Et, c'était une de mes questions. Après, c'était sans rentrer vraiment dans les chiffres, mais est-ce que cette petite cagnotte vous a fait rentrer dans vos frais? Je pense pas, mais. Non, mais c'était un bonus parce que c'était pas prévu. Donc, et puis il y a des gens qui étaient la cagnotte est restée pendant l'événement dans la salle. Il y a des gens qui n'avaient pas de liquide et qui voulaient donner le soir, qui ne l'ont pas fait. Donc ça, potentiellement on voit que il y avait quand même une volonté de récompenser, ou en tout cas que ça avait plu aux gens. Ça sans rentrer, ça à peu près à hauteur du sixième du coût total de l'événement, quoi. C'est déjà ça, parce que c'est un sixième qu'on n'avait pas du tout prévu à la base et qui sera réutilisé pour, oui, pour l'édition prochaine. Ouais, ça sera. Je sais pas, on va en parler justement début juillet, mais je pense que ça sera principalement pour Podren 2015. D'accord. Nous là, pour tout dire, on a utilisé un budget qui était prévu pour le Comic Con 2016 avant qu'il nous la fasse à l'envers. Hein, donc... Et ouais, puis voilà, c'est clair qu'on pouvait pas demander aux gens. Enfin voilà, on va prendre, je vais reparler de Lloyd parce qu'il est là, mais Lloyd il a déjà payé pour venir. Si en plus il fallait payer pour entrer, tu vois, c'est pas vraiment l'esprit, quoi. Moi ça m'aurait pas spécialement dérangé de mettre une petite entrée, hein, en fait. Hein. Bon, après, faut dire, j'ai aussi mis un peu de thunes avec les autres pour tout ce qui était nourriture et tout, donc bon, au final ça revient un peu aussi. Donc on va dire, j'ai un peu contribué d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc. C'est un peu la philosophie du podcast en fin de compte, c'est-à-dire que plutôt que de faire payer les gens avant de leur faire accéder à quelque chose, tu crées la chose et puis après tu leur donnes la possibilité, voilà. Non, puis même, voilà, là on parle beaucoup d'argent, c'est un peu bizarre parce qu'au final c'est pas vraiment une question qui s'est énormément posée pendant la préparation. Je veux dire, le pire qu'on aurait pu faire, c'est un Kickstarter, clairement. C'est faire un truc comme ça, ça aurait été une horreur parce que c'est absolument pas l'esprit pour le coup. Bah, ouais. Voilà, le truc, tu vois, on a loué une salle. Enfin, il y a moyen de comme disait David, c'est l'esprit podcast, il y a moyen de se démerder, quoi. Enfin, c'est. Oui, puis encore une fois, là, on a fait des frais pour cette seconde édition qu'on n'aura pas à refaire l'année prochaine. Donc voilà, c'est pas vraiment une question. C'était une question de plaisir. C'était, on veut le faire, on le fait comment? Bah, ok, on peut, on le fait, quoi. C'est tout. Oui. Il y avait une question de fond aussi, je veux dire. Enfin voilà. Après, je suis pas objectif du tout parce que c'est moi qui l'ai organisé, mais le débat sur podcast en tant que média alternatif, moi, j'ai pris un pied monstrueux à le faire. Même le burger quiz à la fin. Enfin, je veux dire, c'est un truc qu'on a préparé à l'arrache avec péremptoire. Et voilà. Enfin. Pour moi, Podren, c'était une démonstration que c'est possible, c'était trop court, certes, mais c'est possible, et il y a un potentiel. C'est clairement, il y a un potentiel. C'est vrai qu'on voit aussi l'évolution avec le premier Podren qu'on a fait donc au bar simplement. Ce deuxième où on était une salle avec un peu plus de moyens, c'est vrai qu'on voit il y a quand même une progression, qu'on peut faire quelque chose et que on peut voir pour la suite du coup maintenant. Et puis surtout, voilà, là, bon, on était clairement entre podcasteurs, mais les gens, quand il y avait quelque chose qui se passait, ils restaient. Enfin, je veux dire, moi, j'étais très étonné, parce qu'à la base, c'était quand même un événement où, en gros, chacun était libre de faire ce qu'il voulait. Il faisait super beau dehors, mais les gens restaient à l'intérieur pour écouter les gens. Oui, ils allaient dehors, ouais, entre les deux, entre les activités, ils prenaient un coup dehors, le soleil. Ça, c'est parce que c'était intéressant aussi de préparer des choses dans cette optique-là. Par exemple, l'épisode de Ça va trancher est complètement différent des autres, puisqu'il s'intéresse aux gens qui sont sur place. C'est vraiment... pour intéresser les gens, il faut aller vers eux, quoi. Tu peux pas faire la même chose. Donc c'est vrai. Nous, enfin, côté badique, on le sait, essayer de fédérer, en tout cas de regrouper les podcasteurs autour d'une même bannière, c'est un truc qui est juste impossible, en fait. C'est un idéal, mais c'est pas possible. Mais là, avec Podren, ça se concrétise. Il y a vraiment un endroit où, quel que soit le réseau, le truc, le machin, les appartenances ou les préférences que t'as, tu viens. Oui. Et tu t'amuses, enfin, que tu sois devant ou derrière les micros, tu t'amuses. Surtout que ce CVT a été pour moi une démonstration de quelque chose dont j'étais déjà certain, mais c'était vraiment une démonstration. C'est qu'on pense que les gens sont facilement choqués. Faut le dire pour ceux qui connaissent pas Ça va trancher, c'est une émission où voilà, c'est de l'humour parfois un peu borderline. Non. Complètement. Mais voilà, on riait de tout, de tous, et c'est quelque chose qu'on retrouve pas vraiment. En fait, quand tu fais, quand tu enregistres ta connerie devant ton PC, même avec les autres, même s'il y a du monde sur le chat, tu te dis voilà, je le dis parce que je suis tout seul, alors qu'en fait quand tu te retrouves dans une salle et que tout le monde se marre, même des gens qui avaient jamais écouté l'émission avant, c'est complètement différent. Et je suis persuadé que pour cette prochaine édition, il faudra le vrai kiff, ce serait d'arriver à faire venir des gens qui sont pas forcément déjà pas des podcasteurs forcément, et mais des gens peut-être qui sont simples auditeurs, voire même qui n'ont pas vraiment écouté, qui savent pas trop ce que c'est, qui vont s'asseoir et qui vont regarder. C'est bénéfice pour eux et c'est bénéfice pour les gens qui feront l'émission, parce que ça leur changera de d'habitude s'ils font ça via Internet. Oui, après, je pense c'est que c'est ça d'ailleurs. Je pense qu'on a toutes nos chances, en fait, pour que l'émission puisse durer. Après. C'est clairement un des objectifs de la... Je pense, hein, parce que tant qu'on n'a pas fait cette fameuse réunion de début juillet, il n'y a pas, y a rien de gravé dans le marbre, mais je pense qu'on était tous un peu d'accord pour dire qu'il fallait attirer un public qui ne connaissait pas forcément ça, et puis surtout de faire durer l'événement plus longtemps, que chacun puisse enregistrer ou faire son petit enregistrement pour faire découvrir ce qu'il fait. Ouais, c'est ce que disait un petit peu Péremptoire, c'est que là, ils n'avaient pas trop communiqué autour des autres personnes, on va dire les non-poditeurs, podcasteurs, pour les faire venir. C'est vrai qu'il manquait ça un petit peu pour ce numéro. Après, il faut bien voir qu'au niveau orga, tu peux pas louer une salle si tu sais pas combien t'as de personnes, et tu peux pas dire aux gens que tu vas le faire si t'as pas la salle. Donc ouais, c'était un peu aussi, point de départ. Ouais. Ça se mordait la queue tout le temps, mais on peut pas proposer de date parce qu'on n'a pas de salle, et on n'a pas de salle parce que voilà, y a pas, on peut pas prévenir les mondes. Ouais, ça a couru pour tout te dire deux jours avant l'événement, on n'avait pas encore tout à fait tout le matos. Hein. Il y a eu des dépenses assez horribles d'ailleurs, en raccord, rien qu'en raccord jack 3565. C'est comme ça, hein, et ça sert de leçon. Et puis du coup, on sait que là, on va pouvoir s'y prendre. Si on fait une réunion en juillet, c'est pour pouvoir s'y prendre dans les mois qui viennent pour mieux organiser. 6-7 mois avant, quoi. Non, après, il faut bien dire, il n'y a pas eu de couilles, ça c'était vraiment... c'est très bien passé. Ah bah si, on était combien, 40? Il y avait 80 couilles en théorie sur place. Ouais. Pas loin en tout cas, il y en manquait peut-être quelques-unes. Mais... Ça fera plaisir à M. la maudite, ça. Et quelques autres qui étaient là quand même. Pour... Du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Non. Ça c'est dommage par contre, oui, c'est vrai que... Et comme pour la première édition, il y avait, je sais pas si la copine qui était là, David, fait du podcast vraiment à fond, mais il y avait quand même que M la maudite en podcasteuse. Ouais, c'est vrai que maintenant qu'on en parle, il y en a pourtant, mais qui n'était pas forcément sur place. Après, il y en a, mais c'est pareil au niveau du ratio, il y en a pas tellement. Hein, on peut peur que ce soit la fête à la saucisse en fait. Elles se disent que si elles viennent, elles vont se faire draguer parce que ce seront les seules filles. Et bah, non, finalement, c'est les seules qui viennent sont les seules filles. Non, non, mais il faut même regarder. Si tu regardes le catalogue, bon, on va prendre Bad Geek parce que c'est ce qu'on connaît. Il n'y a pas tant de femmes que ça. On va peut-être pas lancer un débat sur le féminisme maintenant. Hein. Je me sens pas de lancer un point Marleur, mais vraiment, c'est. Enfin. Après, je vais pas dire que c'est une grande interrogation dans ma vie de dire, mais c'est vrai que c'est dommage. Et je pense qu'il y a un problème. Oui, mais et où il est, ça c'est encore le plus gros problème de tout, quoi, parce que. Bah, tu peux remonter loin. Après, c'est la société qui fait pas venir les femmes vers la technique, parce que la technique c'est censé être un truc de mec. Le rapport à la technique est différent entre les hommes et les femmes. Là, on rentre vraiment dans de la sociologie, mais c'est pour moi sans aller jusque là, il y a un problème quand même. Mais là, ça dépasse pas de Rennes, malheureusement. Et pourtant, on a essayé, enfin, deux, trois reprises, mais c'était pas concluant. Donc, ouais, il y a quelque chose à faire là-dessus. Il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Puis les petits enfants aussi, puis les mineurs surtout. Il en faut partout. On avait péremptoire quand même. Et il y avait Lloyd. Ouais. Ouais. Enfin, moi, c'est parce que je viens du Nord, hein, c'est pour ça on dit. Enfin, c'est du Nord encore plus au Nord qu'au Nord. Donc, en gros, là-bas, il y a beaucoup de mines. Donc, oui, je suis mineur. Ouais, c'est bon, ça va, vanne de merde, mais bon, j'essaie. Azertov, hein. Courage pour la reprise, hein. C'est difficile. Oh non, ça va aller. Du coup, on va faire un point sur les activités qui étaient proposées. Donc, on a déjà parlé qu'il y avait un débat, un live de Ça va trancher, donc qui est votre podcast, et un burger quiz. Est-ce que vous avez eu, c'est vous qui avez proposé ça, ou comment ça s'est passé du coup? Alors concrètement pour le planning organisation, c'est une réunion entre tous ceux qui étaient intéressés. À la base, il y avait prévu plusieurs activités, etc. Mais on s'est vite rendu compte qu'avec le peu de temps qu'on avait, il fallait vraiment faire un planning assez short. Au final, ça s'est arrivé sur ce que tu as dit, c'est-à-dire on commence par une partie sérieuse, c'est-à-dire vraiment on réfléchit sur le podcast de manière générale avec une question ouverte, et puis trouver quelques intervenants voilà pour intervenir, et puis le public. Ensuite, ça va trancher j'allais pas dire pour l'actu, hein, mais pour la déconne, et voilà un burger quiz histoire de faire participer tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait le problème des podcasts, c'est que pas forcément tu participes pas forcément dans un débat, t'as des questions à la fin, dans un ça va trancher, tu peux réagir. Dans un burger quiz, tout le monde joue, et on était aussi financé par le conseil municipal de Pontmain, donc c'était très important de le mettre en avant. Un village mayennais entre tradition et modernité, donc je vous conseille d'admirer si jamais vous passez dans le coin. En fait, à froid, là, avec un peu de recul, je me dis qu'on n'a pas fait trop mauvais choix, parce qu'on a vraiment commencé à parler de ce qu'était le podcast. Ensuite, il y a eu, c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple, mais c'était un exemple de podcast qu'on peut faire. Et puis après, c'était surtout la déconne pour être entre nous, un peu en famille et s'amuser. Donc c'était à la cool. Ce que je pense qu'il faudra éventuellement faire pour l'édition 2015, mais ça c'est vraiment personnel, c'est peut-être espacer un peu plus qu'il y ait plus de retours, plus de blabla, plus qu'on puisse vraiment discuter et pas que attendre d'être au bar le soir pour le faire, parce qu'en fin de compte au bar la place et le bruit font qu'on n'a pas vraiment l'opportunité de se parler vraiment. Mais après, il faut bien voir que voilà, c'était effectivement il y avait une alternance d'un peu tout. Le seul truc que je regrette vraiment, le débat et l'émission ont été diffusés en live sur internet, il n'y a pas eu de soucis, ils sont disponibles en audio vidéo sur Bad Geek d'ailleurs. Il y a également d'autres podcasts qui étaient en cours, il y avait des podcasts résumés, les interviews de péremptoire qui arrivent petit à petit. Le seul truc que je regrette, c'est que le Burger Quiz, effectivement, il n'y avait pas de micro pour le public, et du coup, ça. Oui, mais ça, c'est un point technique qui sert de leçon. Voilà, on l'a fait une fois. Ça pourrait être amélioré pour la prochaine édition. Exemple concret, la tenue du ça va trancher, c'est décidé dans les chiottes du bar où il y avait eu Podren 1, quoi, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a un qui rentrait, l'autre qui sortait, et qui fait au fait, je pourrais peut-être le faire là si tu veux. Oh ouais, trop. Tu vois, c'est ça. C'était comme ça l'organisation. donc c'est pas si mal. Il y a quand même pas eu que ça. Il y a quand même eu beaucoup de temps de passer. Mais peut-être que t'as un retour, toi, Azertov, en tant que public. Moi, sur toutes les activités, même ce qui est après en off à côté, donc. Les enregistrements de péremptoire, et je sais qu'il y a eu aussi un podcast par Aldevar, je crois. Ouais, qui est en ligne déjà. Oui, bah j'ai les liens dans mon doc. Moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Trois activités comme ça sur une après-midi, j'ai trouvé que ça allait. il n'y avait pas trop de trucs ou ni trop peu. Et bah après, moi, je suis arrivé un petit peu à la bourre parce que je venais de loin, je faisais de la route, donc j'ai loupé, on va dire, les trois quarts du débat. Mais j'ai rattrapé depuis en podcast. Mais c'est, ouais, c'était plutôt intéressant de voir et d'entendre et de participer à ça. Alors c'est pour ça que ton avis est intéressant pour le coup, parce que tu dis qu'il y avait ce qu'il fallait en fin de compte, des troupes, etc. Mais pour quelqu'un qui vient de loin, je trouve que tu vois, ça a duré 5 heures. Pour quelqu'un comme Lloyd qui traverse la France, c'est pas rentable. C'est un peu court en fait, mais heureusement ça m'a pas dérangé parce que bon, je me suis quand même bien marré et au final, bah j'ai. Enfin, ça valait le coup, quoi, c'est marrant. Disons que Lloyd en plus est un privilégié puisqu'il participait au CVT, enfin, ça va être rangé. Ouais, après, donc, dans ces activités-là, Podren, il faut compter aussi après les afters et les offs qui sont vraiment le samedi soir et le dimanche où nous on a fait un petit truc aussi, une petite bouffe avec tous ceux qui étaient restés. On n'a pas été invités. Ça s'est fait sur le coup, comme ça. Dans les chiottes. Oui, mais c'est ça, c'est un peu l'esprit. Hein. De toute façon, j'ai l'impression que c'est l'esprit rennais. C'est l'esprit rennais un peu. Quand je vois le Stonefest, c'est un peu pareil. Hein. C'est vraiment. C'est vrai. À la bonne franquette. D'ailleurs, il y avait un match de foot à côté de Podred. Je peux dire, ils ont rendu la salle. C'était catastrophique. Non, mais après, oui. Moi, je sais que j'étais venu la première fois pour justement. Pour rencontrer ceux que j'entendais pas quasiment tous les soirs, mais que je suivais assez régulièrement. Bon, avec un petit peu de timidité, parce que du coup, bah, je rencontrais plein de nouvelles personnes. Et là, sur le 2, bah, j'y étais un petit peu confiant, même si bah, du coup, il y a toujours une part de timidité où t'oses pas aller vers les autres. Mais ouais, c'est plutôt un bon truc. T'avais les activités dans l'après-midi, le soir où tu pouvais boire un coup avec tout le monde, discuter et tout, et on va dire vraiment le off du off le dimanche avant de repartir. Alors ne t'inquiète pas, si t'es timide et qu'il y a un monsieur qui s'approche de toi en disant salut, tu fais quoi? C'est qui s'appelle Laurent Doucet. Non mais ça va, j'avais déjà vu avant, donc. Il faut savoir pour l'anecdote, j'en termine avec le point crald, mais c'est qu'à un moment donné, j'étais en train de faire le débat et je le vois Laurent Doucet en train de dire un truc à David, ils se marrent tous les deux, et j'ai appris après, il me l'a dit, il lui a dit mais pourquoi t'as sorti le gauchiste là. C'est véridique, c'est vrai. Il avait que ça, c'était sa seule réaction au débat. Et c'est marrant que tu parles d'ailleurs de timidité, parce que s'il y a bien un truc qui fait qu'on a assez vite compris, moi en tout cas, ça c'est clair, c'est que sur le web, tu peux te permettre de tutoyer, d'aller serrer des mains tout de suite, quoi. Faut juste pas se poser la question. Nous, enfin, au Comic-Con, on a reçu, c'était l'équipe, alors à l'époque c'était une web-série, c'était Warcraft. Dedans, t'as un gars qui a joué dans la Tour Montparnasse Infernale, qui a joué dans Camelot. Et ben tu le tutoies et le gars, il est, voilà. De toute façon, c'est vraiment. C'est que tu fais partie du milieu, t'es Doritos et compagnie, maintenant c'est fini. Non, même chose, c'est vraiment côté petite famille où chacun est là plus par passion qu'autre chose, en fin de compte, donc voilà, il n'y a pas vraiment de barrière. La mafia podcast. Ah, c'est une grande famille. Donc la prochaine fois, tu me serres la main ou tu me tailles une. Enfin, tu fais la mise, quoi. On verra ça dans les chiottes, hein. Bon, on va peut-être renommer ça Pochi. Non, mais une fois, j'ai fait un truc avec Lloyd dans les chiottes. C'était un bon. Là, tu me fais peur, par contre, parce que je m'en souviens pas, donc ça pue vraiment pour moi. C'est un remake. Bah oui, on était dans les chiottes. C'est un remake de Game of Thrones. Tiens, t'as déjà regardé ça, toi. Corde. J'ai honte d'ailleurs. Non, mais enfin bon, le truc, enfin ouais, sérieusement, je dois dire, enfin le truc était plutôt sympa en fait. Et je regarde même pas le voyage au final, donc il y a pas à s'en faire, quoi. Donc pour l'anecdote, toujours qu'on est dans les anecdotes, il faut savoir que Lloyd pour venir a dû se taper 6 heures de chansons chrétiennes. Ouais. Faut... Ah ouais. Ouais, c'était épique. Sérieusement, ouais, j'étais avec un évangéliste en fait. C'était lui qui nous conduisait. Et joie du covoiturage. Ouais, c'est ça en fait. Oui. Bon, ça, au final, c'était marrant, quoi, parce que bon, même si les autres étaient un peu mal à l'aise au début, au bout d'un moment, on s'est marré parce que le CD sautait, quoi. Alors quand le truc il saute sur Jésus, t'as une espèce de fou rire qui sort, quoi. Et genre, bah, c'est très con, mais il y a vraiment eu un gros fou rire de 10 minutes. ça bêtement parce que Jésus a sauté quoi, enfin c'était genre Jésus. Et le mec était tout gêné quoi parce que ça arrivait sur le nom de son dieu quoi, donc bon. Mais tu parles de... on parle de transport, mais c'est là où on peut quand même se dire qu'on était quoi, une petite quarantaine, mais qu'avec les grèves de la SNCF, une trentaine. Ouais, 35 je crois bien d'ailleurs. Mais ouais, du coup on aurait pu être encore un peu plus nombreux, peut-être pas voilà, mais au moins 5 personnes de plus je pense par la SNCF. Mais je crois qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues en voiture, justement. Bah oui. Ah bah du coup, ils découvrent les joies du covoiturage. Il n'y avait pas moyen de faire autrement, de toute façon. Hein. Pour avoir une place dans le train à ce moment-là, fallait le faire. Quoi, mais... T'as, par exemple, toi, Azertov, t'avais combien de routes? Moi, j'avais 6h30 à peu près. Ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. En traversant, ouais, c'est plus long que l'événement. Toute la France hein. aussi. Donc, voilà, le ratio il est simple. C'est plus long que l'événement. C'est ça que c'est un truc de fou. Je comprends un peu mieux maintenant ce qui a pris Péremptoire, ce qu'il a vu le monde arriver au premier pot de Rennes. C'est que tu te dis, au final, on fait un truc à Rennes. Ok, Rennes, c'est pas le trou du cul du monde, quoi. C'est pas Dunkerque. Mais voilà, c'est-à-dire les gens. Ah, les gens viennent, enfin, c'est con à dire, mais les gens viennent quoi. Ouais, parce qu'ils ont envie. Et puis, je vois pas l'intérêt. Enfin, en fait, je pense que c'est marrant de faire un pod Rennes ou un pod équivalent dans une autre ville un peu secondaire. Voire... Parce que Paris, il y a déjà tout. C'est tous concurrence à Paris, bêtement. N'importe qui, que ce soit un podcaster, une série, etc., va avoir de toute façon 36 conventions dans l'année sur place. Là, c'est un peu rigolo d'ailleurs, je pense qu'on peut dévoiler qu'on a... Il y a un nom de domaine qui est pré-réservé, je sais pas ce que t'en penses, Néo. Oui, il y a le podren.bzh qui est déjà pré-réservé. C'est vraiment aller au bout du délire, quoi. Aller au bout du truc, c'est authentique, on s'amuse. Bah, voilà. C'est con, mais t'es en Bretagne, enfin je veux dire, voilà, je parle en tant que breton pur jus, là, pour le coup. T'es en Bretagne, donc forcément, il y a l'identité régionale qui ressort. Hein, c'est... Enfin, dis le mec qui vient d'un petit village de Mayenne, entre... Enfin, non, je suis né en Bretagne, mon bon, je suis né en Bretagne. Ah si, j'étais né en Bretagne, je suis né à Fougères, je peux te le dire, voilà, c'est la Bretagne. Et t'es-tu comme un Normand? Ouais. C'est bizarre. Hein. D'ailleurs, on peut remarquer le splendide logo de Pod Rennes qui est fait sur le fabriqué en Bretagne. Non, mais voilà, il n'y a aucune raison, comme je disais au tout début, il n'y a aucune raison que ça se développe ailleurs. D'ailleurs, les gens, allez-y, faites-le. Hein. Vous êtes dans un coin, faites-le. Mais même si vous êtes 10, c'est pas grave. Prenez une salle, regardez combien ça vous coûte de louer une sono, des micros. Je sais que c'est facile à dire comme ça, mais... ça se fait. Enfin, oui, voilà, après, il n'y a peut-être pas besoin aussi de faire vraiment un enregistrement ou un truc comme ça, mais juste comme Pod Rennes 1, faire un coup à boire, discuter entre podcasteurs, poditeurs, voilà, ouais, ça peut se faire aussi. Il y a toujours moyen de s'arranger, par exemple, pour avoir une salle secondaire dans un bar ou un truc comme ça, en ouais, après-midi, temps, ouais. Ou même de, si jamais il y a vraiment qu'une dizaine de personnes, de se retrouver directement chez quelqu'un qui a une maison un peu plus grande, quoi. Enfin, c'est toujours jouable, quoi. Après, on n'est pas là pour foutre la merde, je pense, donc... toujours le truc. Bah, des bisounours. L'enregistrement, c'est quand même ultra kiffant. Quoi. C'est vrai que ça concrétise. Il faut trouver le juste milieu. Mais là, on était en enregistrement, on était en live sur le web. On était, tu vois, ça a donné un peu de légitimité aussi à l'événement, quelque part, un peu d'officialisation. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que les gens nous en ont parlé. C'est parce que c'était diffusé sur le web. Je sais pas combien de personnes, j'étais pas dans le chat ou la diffusion, il y avait combien de personnes ont vraiment suivi un événement ou plusieurs. Mais même s'il y avait que quelques personnes qui l'ont fait, ça permet de dire on vient du web, on vous oublie pas non plus quoi. Enfin, c'est... Oui, c'est beaucoup moins lassant en plus que d'être devant son écran un peu dans le vide. Donc c'est tout le monde y gagne. Est-ce que justement vous avez eu des retours par rapport au live ou au podcast vidéo audio et qui ont été diffusés après? Bah, à part un communiqué de soutien de Marine Le Pen. Non, on n'a pas eu... Il y avait des gens qui râlaient parce qu'ils n'entendaient pas le public dans la version audio du Burger Quiz, ouais, je me souviens. Ouais, tout à fait, mais ça on l'a dit, c'est une faute, c'est clair. Mais globalement, non, les avis sont plutôt bons, le compteur de vues est plutôt sympa, donc je pense que... Allez d'ailleurs, David, les chiffres. Je les ai pas sur moi, là, c'est vrai. Mais puis c'est pas un concours de bites. Ça, on le fera pour... T'as aucune chance. On le fera dans la troisième édition. Mais non, enfin globalement, je pense que... Déjà, il y avait les gens qui n'avaient pas pu venir, qui étaient contents de voir que ça avait été enregistré. Et les gens qui suivaient sur le live réagissaient pas mal. dans mes souvenirs, donc c'était déjà bien. Surtout qu'on savait pas trop quelle connexion on aurait, donc c'était un peu un exploit d'avoir. Oui, donc c'était déjà pas sûr d'avoir du live pour cette édition. Non, non, non. On savait pas quelle. Ah, il faut savoir qu'on avait été malin et qu'on n'a pas filé la clé Wi-Fi, quoi. C'est pour pouvoir garder la connexion. Oui, puis on était branché en filaire aussi. Ça aide. Voilà, ça aide pas mal. Ouais. Puis on a passé une heure à régler OBS pour que ça tourne optiquement, voilà, comme il fallait. Mais non, globalement, les retours sont pas si mauvais. Moi, les quelques retours que j'ai, c'est principalement des gens qui m'ont dit l'année prochaine, je suis là. C'est hyper encourageant. D'ailleurs, est-ce que l'année prochaine, tu seras là, Zertov ? Bah, si je peux venir, je reviendrai. Non, non, pas de si, t'es un homme. Non, mais est-ce après, que tu seras là ? Faut voir que même si j'ai fait du covoiturage avec Anthony Stark qui fait le podcast Geeks en modération, ça coûte quand même un petit peu une blinde de traverser la France. Bien sûr, bien sûr. Moi, c'est juste une question monétaire. Mais s'il n'y avait pas juste ça, je viens, mais. Quand vous voulez. Non, voilà, je plaisantais. Il faut évidemment pas sous-estimer ça. Hein. C'est clair que quelqu'un qui vient comme Lloyd ou toi... D'où l'intérêt de faire un événement qui est plus rentable, en fin de compte, pour quelqu'un qui traverse. Et puis de le préparer bien à l'avance, de dire 3-4 mois à l'avance, ça va se passer tel jour, à telle heure, enfin, tel endroit. Vous avez 4 mois pour vous organiser. Déjà, parce que là, ça a été à peine un mois avant, je crois, quand ça a été dévoilé. Enfin, c'était ultra rapide. Hein. Ouais, ça a été dévoilé un mois avant. Il y a eu... La préparation a été... Il y a eu des moments où on était bien dedans, puis des moments où on n'était absolument pas dedans. Enfin, ça a été... C'était une bêta, quoi. Il fallait le faire pour voir si c'était possible. En gros, si vous pouvez... Mais grosso modo, ça s'est quand même plutôt bien. Grosso modo, malgré tout, ça s'est quand même bien... Enfin, là, j'ai l'impression de m'envoyer des lauriers, mais ou à tout le monde. Mais je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Mmh. Voilà, on n'a pas. Ce que me disait d'ailleurs, ce que disait David sur les retours, je pense que c'est la preuve. Ah oui, c'est vraiment une confirmation de l'engouement. Moi, j'étais pas là à la première édition, mais là, j'ai bien vu que les gens en voulaient plus, en fin de compte, et que chacun voulait avoir ça. Parce que, moi, le truc qui m'a le plus dérangé, en fin de compte, c'est très personnel, c'est que le seul enregistrement de podcast qu'il y avait, c'était le mien. Et je trouvais ça complètement, c'est débile. C'était le temps. Puis je l'avais proposé assez en avance et tout, mais j'avais l'impression un peu de monopoliser la parole, ce qui est complètement chiant en fin de compte dans le monde du podcast, parce que c'est typiquement le monde où tout le monde doit avoir la parole, où t'as la place pour tout le monde, le temps. Donc il faut qu'on fasse ce petit roulement là l'année prochaine. Il faut qu'on trouve un moyen pour que les gens puissent, parce que sinon c'est égoïste. Enfin, de toute façon, si on a plus de temps, il y aura plus de créneaux, donc plus besoin d'activité. Voilà, ça viendra. Ça vient aussi, je pense, de la configuration de la salle. Où il y avait vraiment en fait qu'une seule grande scène, on va dire, où vous pouvez faire les activités. Après, on en revient aux problématiques de trouver une salle pour le monde, donc le monde pour la salle. Oui, puis j'avais pensé un peu à ça, mais en fin de compte, c'est une connerie monumentale, c'est de faire plusieurs enregistrements, enfin que chacun ait son petit coin de salle. Mais en fin de compte, si tu fais ça, non, personne ça ne s'écoute. Pas déjà, je pense, c'est, oui. C'est pas possible. C'est contre-productif. C'est marrant. Et si on restait tous chez nous, et qu'on faisait ça via des moyens internet, tu vois. Et on se fait des galettes saucisses à maison. Ok, ça va. Et on mange devant le micro et tout. Parce que c'est du podcast pour le web, c'est pas. Ah oui. On peut se permettre, c'est pour le web, donc c'est bon. Voilà, t'as tout compris. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ? Pas grand chose, à part qu'on attend cette réunion, je pense, ici, avec impatience, et pour savoir dans quelle direction on va. Comme ça, même avant la réunion, est-ce que vous avez des idées pour la suite, du coup ? Ouais, moi j'en ai une grande, mais tu vois, c'est pareil, la réunion n'a pas été passée, donc je préfère en parler aux autres, parce que des fois, moi je suis Nemo pour la confirmer, je suis un genre de gars à avoir 30 000 idées, à les penser toutes bonnes, alors qu'en fait il n'y en a aucune, quoi. Attends, le mec il nous a proposé un couscous géant. Voilà. non mais moi en fait je me disais, alors on verra si ça se fait, du coup vous verrez, mais voilà, primaire, ouais. Je me disais que ça pourrait être sympa si l'événement dure 2 jours. Puis alors, pas de 14h à 19h, mais tu vois, on ouvre la salle à 9h, à 11h on commence, on a vraiment le temps. Je me dis que ça pourrait être sympa, toujours dans cette optique de réunir les podcasteurs pour quelque chose de concret, de former, je sais pas, 2-3 équipes, et que chacun travaille sur une émission à réaliser le lendemain. Alors c'est un défi énorme, mais ça peut être l'occasion de mélanger des équipes qui n'ont pas forcément quelque chose en rapport à la base ou qui s'écoutent pas forcément. Qui sont, parce que quand tu fais une émission, t'as pas forcément le temps d'écouter les autres, faut être honnête. Donc ça peut être intéressant. Alors, la réunion n'a pas eu lieu et ne prend pas mal ce que je vais dire, David, mais je serai à 100% derrière toi, à fond. C'est gentil. Mais si t'es derrière moi à fond, je vais commencer à avoir peur. Voilà, c'est pour ça. Je te disais, ne le prends pas mal. Ouais. Non, mais voilà, c'est le genre de... Effectivement, c'est... On parle de cette réunion parce que voilà, on va pas non plus. On n'est pas des porte-parole, hein, honnêtement. Là, on donne un ressenti qui est purement personnel. On engage. J'ai l'impression d'être un compte Twitter, mais on engage. Nos paroles n'engagent que nous. Et voilà. Et ce qu'il faut retenir pour moi, c'est que c'est un vrai potentiel. À nous de l'utiliser correctement. Et pas qu'à nous d'ailleurs, à tout le monde de l'utiliser correctement. En attendant, si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, je vous conseille quand même d'aller voir les vidéos ou même les versions audio qui ont été faites de PodRen 2. Et voilà, et si ça vous intéresse, venez vous investir. Ou même faites-le par chez vous. J'insiste beaucoup là-dessus. Faites-le par chez vous. Et si vous avez besoin d'un coup de main, demandez-nous. C'est l'esprit podcast. C'est vraiment. Tu vois, par exemple. Il n'y a pas de... Évidemment, péremptoire, Eden, ils étaient là pour le premier, donc c'est un peu... Voilà, on... Même moi, enfin, j'avais... Ça sent le mec qui veut prendre sa mais non, mais pas du tout. Ils sont bien, hein, tu vois. Mais pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que justement, il n'y a pas de chef, même si implicitement, c'est eux qu'on va suivre parce que c'est leur truc à la base. Moi, enfin, il n'y a pas un truc en privé qui s'est échangé sans que je rajoute un « si ça ne vous dérange pas ». Tu vois, c'est un peu ça. C'est, on est là, on fera notre maximum, mais ça reste votre bébé. Faut quand même... faut être logique. Mais c'est ça, les mots que tu dis. C'est, si vous voulez créer, si vous pouvez, faites-le. C'est typiquement l'esprit podcasteur, quoi. On se débrouille, on fait de notre mieux, on s'entraide les autres. Ne faites pas de ouloulé, de Kickstarter, etc. Vraiment. Je pense que ça serait pas du tout utile pour l'esprit. Vu ce que c'est devenu. Honnêtement, c'est un gros point négatif. C'est un petit peu comme si t'annonçais à Drumanov, tu vois. Je choque souvent les gens avec cette comparaison, mais pour moi le crowdfunding, c'est le Kickstarter, c'est comme être un Roumain dans le métro, quoi. C'est-à-dire, tu tends la main, tu veux de l'argent pour un truc que t'as pas fait. Je sais pas, je suis peut-être vieux jeu, mais je considère qu'il faut d'abord faire ses preuves. Puis alors, PodRen 2, soyons francs. PodRen 2, ça a coûté 300€, quoi. C'est pas... À 8, c'est rien. Oui, tu vois ce que je veux dire ? T'as pas besoin de faire un loulé pour ça. Et surtout, si vous avez besoin d'aide, demandez-la. Enfin, voilà, c'est... Que ce soit humain ou matériel. Oui, c'est ce que je fais, moi, pour le podcast. Là, on enregistre sur un Mumble qui est tenu par Randall Flagg, qui fait hors cadre, qui a été dans les éclaireurs et dans Queen Novi. Donc, c'est vraiment de l'entraide. Mais même, si on est tous sur Internet, si on fait des choses différentes, alternatives, c'est pas pour rien, ça. S'il y a un message à retenir, tout ça, c'est si des gens se retrouvent, c'est pas pour rien. Et je trouve qu'en fait, on est parti d'une... Pour finir sur le crowdfunding, on est parti d'une très très bonne idée, qui était l'idée de pouvoir créer des choses qui ne pourraient pas se créer autrement via des circuits traditionnels, à quelque chose où ça devient n'importe quoi, mais... Oui, c'est vrai, Nemo, ce que tu dis. À la base, c'était juste pour avoir des producteurs alternatifs, pour se passer de producteurs qui sont complètement à côté de la plaque, parfois. Là, ce qu'il y a, c'est que les producteurs doivent chercher absolument à faire quelque chose qui va marcher, en fait, mais pour le grand public, en gros. Donc, il faut faire le truc pour que ce soit facilement compréhensible, que ça soit pas trop tiré par les cheveux, que ce soit pas trop pointu et tout ça. Enfin, tandis que là où la scène alternative, comme on a, en fait, va vraiment chercher, en fait, un public de niche, en fait, qui trouve pas ce qu'il a ailleurs. Et comme le public de niche, il se dit, ça peut être sympa, on peut s'amuser. Déjà, ils s'en foutent, enfin on va dire la plupart des gens, c'est vrai qu'ils préfèrent ne pas payer. Donc le fait de dire si vous payez pas, on fera rien, c'est vrai que ça fait un peu triste, quoi, parce qu'on le fait un peu par passion et parce que ça nous amuse et que voilà. Et puis ça dépend à quel niveau. Ça coûte pas si cher, donc encore une fois, il n'y a pas vraiment de légitimité. Des crowdfunding comme par exemple Noob sans crowdfunding, la trilogie elle serait jamais mise sur le tapis, quoi, ou alors ils l'auraient fait, mais après des années, mais ils avaient une légitimité dans leur démarche, ils avaient quelque chose. D'ailleurs, ils ont eu le succès. Oui, ils avaient 4 ou 5 saisons avant de faire. Qu'on accroche ou pas, il y a quand même du travail derrière. On voit bien qu'il y a un travail d'écriture, de réalisation et tout. Mais arriver aujourd'hui sans avoir rien fait et dire je veux de l'argent, je sais pas, moi ça me... Ça pose un problème plus général qui est que les gens utilisent des moyens alternatifs et j'aime pas vraiment ce verbe, mais ça les pervertit un peu dans des trucs traditionnels. Tu prends par exemple les youtubeurs. Sur YouTube, théoriquement, tu peux mettre ce que tu veux. Enfin, dans une certaine limite, mais tu peux à peu près, tu peux à peu près dire ce que tu veux, quoi. Et qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui est au top ? C'est des gens qui font de l'humour qu'on pourrait avoir sur Canal. D'ailleurs, il y en a la plupart finissent sur Canal. Hein, ou alors de la publicité déguisée, comme sont les courts-métrages de Cyprien Gaming. Est-ce que c'est ça qu'on cherche ? Voilà, au bout d'un moment, il faut se poser la question. Est-ce que c'est ça qu'on cherche ? Si vous êtes passionné par un truc et que vous considérez que ce qu'il montre n'est pas suffisant, faites-le, écrivez-le, enfin, faites comme vous voulez. Faites même une grosse connerie. Hein, je veux dire, j'ai enregistré il n'y a pas très longtemps un truc où je lis des poèmes à la con avec beaucoup d'émotions. Oui. beaucoup d'émotions. Sans aller vers l'organisation d'événements, que ce soit enfin, à Zertov, tu peux le dire, hein, on est sur Mumble, on enregistre. Nous, ça fait des années qu'on utilise Skype. Là, on vient de trouver un logiciel qui est super, qui nous permet d'enregistrer en multipiste. Ça nous a coûté zéro. Donc c'est faisable, c'est vraiment, en plus, je dirais pas que le public, enfin qu'un podcasteur doit être geek, mais je pense que c'est plus ou moins lié, on est tous un peu les enfants de MacGyver derrière, donc si t'as un peu de débrouillardise, t'as pas besoin d'une intelligence suprême, t'as pas besoin de moyens extrêmes, tu peux y aller. Quoi. Faut pouvoir suivre un tuto, quoi. Oui. C'est vraiment ça. Ouais, c'est tout, et c'est de plus en plus simple. Ouais, puisque quand on regarde tes développeurs, t'as même pas besoin d'un... C'est ça simple, en fait, c'est ça le truc. Ouais. Il y a des gens derrière qui sont passionnés et qui veulent expliquer aux autres comment faire aussi. Donc... Ouais, puis après, tu as la question du matériel. Un logiciel, ça coûte rien. Pour enregistrer, ça coûtera rien non plus. Le multipiste, on le teste, ça marche très bien, ça nous a rien coûté. Les micros, là, le micro avec lequel je vous parle, c'est un micro cravate Zalman qui coûte 7€ sur matériel.net. Enfin voilà, quoi, t'as pas besoin de faire un Kickstarter pour ça. Non, voilà, c'est surtout qu'on a désormais les moyens de diffuser, de créer de façon beaucoup plus simple. Il faut en profiter tant que c'est encore possible, j'ai envie de dire. Là, ce serait être pessimiste, mais il faut profiter de la chose. Moi, je me souviens, parce que j'étais très fan de 3615 Usul, je vais revenir dans le sujet tout de suite, mais en fait, il disait à la fin, le meilleur moyen de répondre à ceux qui se foutent de notre gueule, c'est encore de créer des trucs. Et c'est vrai, c'est exactement ça. Il faut, même si ce que Hayden disait pendant le débat, même si vous faites un truc sur le tricot, c'est pas grave. Si vous aimez le tricot et vous avez envie de faire un podcast sur le tricot, allez-y, faites des choses et parlez-en autour de vous. N'hésitez, enfin même nous, Bad Geek, on soit des trucs, bon bah c'est pas bien, mais c'est pas grave. Oui, mais on est là pour les aider. On va pas leur dire c'est de la merde. On leur dit, bah nous, il y a ça, alors voilà les points positifs, les points négatifs, les machins, enfin ce qu'on trouve, c'est notre avis. D'ailleurs, un point sur le débat, à quand le podcast météorologique? Alors, ma grand-mère se remet actuellement un truc à l'omoplate. Et c'était quoi ta question ? Le podcast météorologique. Ça, après, c'est d'autres problématiques. C'est que t'es obligé de le faire tous les jours et de le mettre en ligne tout de suite. Hein. Ouais, mais et surtout, vous oubliez un truc, c'est que bon, s'il fait beau, on dit aux gens qu'il fait beau, mais s'il fait pas beau, qu'est-ce qu'on fait ? Elle est chiante, la nana de Côte Ouest. Alors oui, parce que bon, là on fait une parenthèse, mais c'est chez Bad Geek, on est très référence à des 90. Pas que chez nous, hein. Je pense que le geek parle en référence, de toute manière. Oui. Oui, mais quand tu vois qu'aujourd'hui les plus jeunes n'ont pas vu la Cité de la Peur. Aime-moi tendre, aime-moi vrai. Aime-moi vrai. Bon, mais il nous manque une citation 2 minutes du peuple et on a la quota. Ta hein. gueule voilà. Robert Robert bah, et le quoi qui se passe, t'en fais un l'année prochaine? Bah, normalement, c'était plus ou moins prévu d'utiliser le micro de péremptoire. Mais en fait, vu que je suis arrivé à moitié à l'arrache et tout, qu'il y avait déjà des trucs en cours, je vois, on verra ça plus tard. Mais normalement, ouais, c'était prévu que j'interviewe des personnes présentes directement. Alors que péremptoire l'a fait. Péremptoire, salaud. Eldevar, elle a fait. Péremptoire, il est partout. Je sais pas combien il y en a au total, mais on croirait Laurent Doucet, mais voilà. Mais hors du podcast. Non, c'est vrai que... Non, mais c'est vrai qu'on se moque de lui, mais ça reste une figure, c'est con. Qui c'est, Laurent ? Oui. Ah, mais c'est un mec en or. C'est un gars, tu l'invites dans une émission, deux semaines après, il te fait des rubriques de 15 pages. Enfin, c'est un mec. C'est vrai qu'il est déjà passé dans le podcast Yata, où il a fait des chroniques à chaque fois, mais c'est des chroniques, mais c'est hyper drôle. Il en a fait une sur Dorothée, où il défonce tous les années Dorothée, et c'est un truc, c'est écrit, mais c'est pas mal. Alors, il faut savoir qu'il écrit des trucs bien, mais une fois je lui ai répondu, eh ben, il en menait pas large. Non, il est vraiment bon, et puis en plus, dans le monde du podcast, il est hyper connu. Et moi, j'ai dû le découvrir il y a moins d'un an. On va pas faire un. Donc, ça fait un peu genre il est mort là, c'est horrible. Rubrique nécrologique de Laurent Doucet. Moi, je me souviens, mon souvenir de Laurent Doucet avant qu'il nous. Beaucoup d'émotions. Il nous quitte. Non, c'est que. C'est un très bon pianiste en plus. Mais ça c'est vrai, hein, parce qu'il est venu jouer à la maison, c'est un très bon pianiste. Je me souviens quand il fait deux notes, on a un gars chez nous qui s'appelle Shoutan, qui est le roi du blind test. Laurent avait fait trois tests, enfin il s'appelle Laurent aussi, Shoutan c'est horrible. Donc Laurent Doucet avait fait trois notes et il fait « Ah c'est ça !» Et l'autre il fait « Mais putain, mais comment t'as reconnu ?» Et non, pour revenir sur l'anecdote, c'est que, et je trouve que ça résume, pour le coup on revient à l'esprit un peu podcast, c'est que ça va faire très film français, mais là on est à l'arrière d'une voiture, et il me disait, en fait moi c'est marrant, mais moi ça rappelait les radios libres en gros, des trucs comme ça, mais ça lui faisait découvrir quelque chose en fait, c'est, voilà, vu l'âge qu'il a, ça lui faisait découvrir que, bah voilà, les petits jeunes ils font des trucs quoi. J'ai cassé l'ambiance. Non, mais tu parles de petits jeunes, ça nous concerne plus quoi. On apprend tous des trucs en fait quand on fait un podcast, même ensemble hein, dans l'équipe, généralement quand on prépare les rubriques, on prépare le truc et généralement on est surpris de voir ce que les gens ils vont sortir quoi, parce que bon bah à part pour Shoutan en fait, on n'est pas surpris parce que le mec il fait ça en live et c'est marrant, donc enfin. Presque pour tout, quoi, mais. C'est même au-delà de ça, c'est que non seulement t'es surpris pendant. Enfin, nous, on fait du live, puis ensuite on fait un peu de montage, on met en ligne. Mais moi, à chaque fois que je réécoute, je réentends des trucs que j'avais pas entendus, parce que j'étais ailleurs, quoi. J'avais la pression d'une. J'ai la même chose pour Eric Addy. J'ai des vannes qui sont en arrière-plan. Tu sais, c'est une vanne en arrière-plan. Et là, tu l'entends, tu fais. Oh, les cons. C'est peut-être ce qui nous. Enfin, ouais, c'est l'amour de la radio, en fait. Mais hein, oui, voilà. Enfin, moi, je le dis tout le temps. Je suis un enfant de France Inter. Mais... Ça s'entend sur tes playlists. Moi, c'est Skyrock. Non, mais. Moi, c'est radio, t'as vu. C'est pour ça que je prends autant de plaisir à moquer les émissions littéraires. Mais voilà, on en revient toujours à la même chose. Faites des trucs. Enfin. Pitié, les gens, on vit dans une époque où on a l'impression que tout le monde est une chape de plomb, personne n'ose plus rien. Aujourd'hui, en ce moment, il fait chaud. T'as l'impression qu'il fait tout le temps chaud, que les gens ils sont ralentis, qu'ils savent plus quoi faire. Ils sont là en mouais. Et puis, oh, finalement, je vais peut-être regarder Les Anges de la télé-réalité. Non, non, faites quelque chose. Éteignez votre télé, faites quelque chose. Quoi. Ouais, c'est vrai qu'en plus de ça, c'est pas si difficile que de cultiver une passion à l'heure d'Internet, quoi. Ouais, le moindre truc culturel qu'on peut avoir avec Internet, ça peut être décuplé, on peut partager ça avec plein de gens, même au niveau d'un forum, quoi, par exemple, enfin, je sais bien que Nemo et le Commandant, ils font partie d'une association avec un forum et tout, et c'est des grands passionnés d'animé, de manga et de culture japonaise, enfin, du moins, culture visuelle, quoi, audiovisuelle. Des attardés, quoi. On sent qu'ils sont passionnés, ils sont tous potes par leur passion, même si jamais ils ont des goûts qui diffèrent et tout. Enfin, et nous c'est un peu la même chose, quoi. Nous à la base on était, enfin je crois qu'on était des fans de jeux vidéo et finalement on s'est connus grâce à ça et on a tous fait des trucs du genre et puis maintenant on fait un peu dans tous les genres différents, quoi. Enfin, puisqu'on est dans les enfants de la télé là et qu'on va tous parler de nos vies, David, je sais plus si c'est le cas de Lloyd, je crois que c'est le cas de Lloyd, on a dû se rencontrer sur le forum de Marcus à l'époque de... Peut-être pas Lloyd, mais je crois que c'était après Lloyd, c'était à travers un jeu, mais oui, mais que ça soit toi ou Shoutan ou Eric, tout ça c'est sorti du forum de Marcus en 2002-2003. C'est fou parce qu'on a commencé comme ça. Après, on a monté des sites de jeux. De jeux vidéo. On a fait Mange ton pain. On a fait Mister Pixel. Avant, je me souviens de Wii Experience et de 360 Experience. Il y a plein de choses. Et même David. Alors pour le coup, on disait David se lance dans des projets, mais pour le coup, voilà, il avait lancé une télé à l'époque où il n'y avait pas YouTube. Pas de TV. C'est la première web TV qui existait sur les jeux vidéo. Qu'est-ce que tu veux? mais c'est vrai qu'il y avait... parce qu'il y en avait déjà aux États-Unis. Oui, francophone. Ouais. Francophone. Mais il n'y avait pas YouTube. Tu imagines qu'on se balançait des fichiers de 300 mégas en 56K et qu'on les mettait en plusieurs parties parce qu'il n'y avait pas les hébergements d'aujourd'hui. Avait... C'était... Ça n'a pas duré. Je crois qu'Azertov, il hallucine. Il est en mode merde. Mais oui, mais on était là. Ah, c'était quoi. Bah, les balbutiements d'Internet, en fait. Non, mais voilà. Ce qu'il faut vraiment tenir, c'est bah, nous, on se connaît depuis des années. C'est aussi pour ça que ça marche. Ça va trancher ou autre. Mais c'est des trucs. Moi, j'en reviens. Un truc dont je reviens toujours pas. Et bon, déjà, le fait que Podren a été debout, etc., moi, c'était un grand bonheur. Mais je veux dire, avec l'association Bad Geek, on est descendu à Toulouse pour le Toulouse Game Show et on a pu interviewer Doug Walker, le Nostalgia Critique. Si, pour ceux qui s'intéressent un peu à la scène américaine, c'est un petit peu le roi, quoi, au niveau en termes de vidéos sur le cinéma et autres. Mais c'est, voilà, il faut oser. Vraiment, il faut. Alors, comme c'est... ça, vous allez au TGS, vous venez même pas me dire bonjour. Ah, bah, bravo, vous ne connaissez pas, monsieur. Le salaud. Monsieur, à l'époque, on ne te connaissait pas. C'est lui qui dit ça. Bon, on y reviendra plus jamais. Oh, mais non, si. Mais voilà, c'est... Non, mais attends, ah oui, t'es du sud, bah, toi. Oui, je suis à côté de Toulouse. Eh ben, on peut peut-être... Ah oui, je sais pas, ça te fait peut-être un peu de route, mais on va à une demi-heure de Montpellier en août pour le dernier Ça va trancher de la saison. Si tu veux venir, il y aura des feux d'artifice, il y aura des trucs de fou. Je préfère des trucs de taré. Pourquoi pas, ouais. Mais ouais, c'est vrai que des mots prêchent la bonne parole. Non, mais voilà. Il faut tenter. Internet, c'est un truc de fou. Enfin, quand on y réfléchit, Internet, c'est un truc de fou. Je veux dire, moi, je suis sur un Twitter où à 40%, je tweet du tweet politique de gauchiste. À 40%, je dis de la merde. Et à 20%, je parle d'animé. Et j'ai 700 personnes qui suivent ça. Mais faut se rendre compte de ce que c'est, quoi. Enfin, c'est... Faut les enfermer. Et puis, l'avantage du podcast, c'est que si t'écris mal, ça se verra pas. Oui, en 140 caractères, ça va aussi. Donc du coup, et j'ai retrouvé mon cousin comme ça. Enfin, grâce au podcast, j'ai voilà, putain, je parlais de Superman. Il faut savoir que c'est un cousin à moi. J'avais rencontré dans une soirée. J'ai vraiment ma famille et tout. J'en suis rencontré dans une soirée de famille. On n'était pas à Pontmain, mais on était rencontré dans une soirée de famille. On avait gardé contact via MSN. Alors pour les jeunes, c'était un Skype en moins bien. Et tu peux pas parler. Ah si, tu peux parler. Mais et donc on se suivait vaguement et tout, et on faisait un podcast qui s'appelait Geek c'est qui va trouver. Et il y avait un Superman, et j'ai mis mais genre 3 ou 4 mois à faire le rapprochement entre son adresse et le Superman qui était là. Et au bout d'un moment, c'était mais en fait, on est cousins. Et depuis, on s'est pas lâché. Et on fait des. Hey, c'est une émission qu'on aurait dû appeler Perdu de vue, en fait. Putain, on a eu la même chose avec deux cousines. Parce que voilà, aussi, on avait fait venir deux auditrices complètement au hasard. Et après l'émission, moi, rien pour que ça a foutre de parler à ces cons, donc je m'en vais. Et je reçois un SMS une demi-heure, une heure après. Et le SMS, c'était en fait à son cousine. Ouais. Ça, c'est des choses que tu oublies jamais. Pas mal, quoi. Ouais. C'est typiquement le genre de. Tu vois, ça, tu peux avoir 2 ans de galère, 3 ans de galère, des engueulades, des machins, tout ce que tu veux. Mais ça, c'est le détail qui fait que tu regretteras jamais d'avoir fait ça. On va pleurer réunis maintenant. Les familles autour des mêmes passions. Ah oui, c'est vrai, c'est hallucinant. Quoi. C'est... J'en reviens toujours pas. Ça fait un an et demi, mais j'en reviens toujours pas. C'est vrai que c'était barge comme truc, sérieusement, les filles, ah bah attends, tu serais pas, bah si, t'habites là, bah ouais, moi aussi, enfin, tu sais, genre, ah ouais, tu vas là aussi, ah bah oui, oui, et alors, si, bah attends. Si quelqu'un, quelqu'un cherche un proche, qui n'hésite pas. Alors, Azertov vient de tweeter un truc, il faisait, au secours, ils squattent mon podcast, ils racontent leur vie, je sais pas quoi faire. Tu vas avoir du mal, tu fais un montage de ça, ou ouais, parce que ça fait déjà quoi, une bonne grosse demi-heure. Ah, non mais ça on va, est à 56 minutes. Ah oui, on c'est est à 56 grosse, minutes. Sérieux, le premier numéro qu'on a fait avec Musica pour le TGS, on avait dit pour la partie after, donc on revenait sur le week-end au TGS, on a dit oui, bon bah en une demi-heure, c'est fait. Non, l'enregistrement brut, il a fait 1h45 ou un truc du genre. C'est pour ça que dès le départ, on s'est fixé, nous, des conducteurs, parce que c'était pour nous, c'était pas du podcast, c'était des émissions. On devait faire des émissions. Parce que le podcast avait ce côté péjoratif du on s'en fout, on y va, on lance les micros, puis on verra bien. Et ce qui est très sympa d'ailleurs, c'est pas une question de jugement, mais faut savoir que les émissions au départ, elles étaient diffusées en radio. Donc tu peux pas leur sortir une semaine 50 minutes, l'autre 3 heures, tu peux pas, c'est pas possible. Donc c'était hyper. On se faisait vraiment chier, parce que c'était par exemple pour CVT, c'était découpé en 14 minutes 30. Fallait pas que ça soit plus. Tu vois, c'était ouf! Mais non, je comprends, mais tu vas le diffuser en un morceau, celui-là? Oh non, oui, oui. Bah, ils sont tous diffusés en un seul morceau, et ça peut durer tant que ça dure. Comme quoi, il est acharné, parce que statistiquement, au bout d'un quart d'heure, les gens se lassent. Ouais, mais dans les podcasts, ça dépend. Soit ils coupent, soit ils... Ou ils écoutent autrement. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette conversation, c'est qu'on est arrivé au niveau méta. C'est-à-dire on est en train de discuter des auditeurs qui sont en train d'écouter en ce moment même. C'est sympa. C'est pas mal, ouais. Bon, de toute façon, il doit y en avoir 5 ou 6. Hein. C'est... Ah, on s'en va alors. Bah, le podcast, c'est sympa, par exemple, aussi, quand t'as des longs podcasts, en fait. C'est d'écouter des gens parler, par exemple, quand tu farmes sur un MMO, que tu fais un truc du genre, tu vois. C'est un truc, une espèce de tâche répétitive et un peu lassante, où, genre, par exemple, tu t'emmerdes, t'es en train de coder, par exemple, et tu te rends compte que, bon, tu dois faire beaucoup de trucs, tu veux, et que tu sais pas quoi faire. Bah, tu tapes un podcast en même temps et t'écoutes les gens parler, raconter leur vie ou de la merde, des fois, et ça te fait marrer. Des fois, t'entends des trucs de fou. Moi, j'ai entendu un podcast ce soir où j'ai appris que les cailloux, c'était des extraterrestres morts. C'est impressionnant. Oui, très bon podcast d'ailleurs. Équipe SI. Oui, voilà. SI. Ça s'appelle SI, c'est disponible. Les gens qui font les trucs du troll aussi, j'y vais. Il y en a tellement. Vous voulez tu vas où? Non, c'est pas encore fini. Hein. C'est terminé. Il me reste la dernière question de mon semi-conducteur, parce que j'ai quand même un document où je bosse dessus. J'en doute pas. Ma question, c'est le mec, il est dans les champs et il plante des trucs, c'est le semi-conducteur, tu vois. Donc la dernière question, c'est la suite, du coup. Au prochain épisode. Donc Podren 3. La suite de Podren. Ouais. La suite de Podren, ouais, ça, on verra début juillet pendant la réunion. Mais bon, ouais, pas, je pense que tout le monde est motivé, on verra après combien ça s'organise. Encore une fois, on n'est pas des porte-parole, donc c'est très difficile de te dire, voilà, ça va se passer comme ça, etc. Non, en tout cas, le podcast continuera tant qu'il y aura des gens pour le faire, on va dire. Ouais. Et que... Mon Dieu, c'est d'une banalité, j'aurais dû faire de la politique. Côté Bad Geek, ça va bouger pas mal, d'une façon ou d'une autre, donc de toute façon... Ça, c'est sûr que le podcast continuera avec ou sans nous. Heureusement d'ailleurs. Évident. Enfin, heureusement d'ailleurs. Tant mieux. Moi, j'ai hâte pour les feux d'artifice. Et j'ai hâte d'être à Podren 3, ça par contre, c'est clair. Ah oui, clair. C'est... Ouais, les feux d'artifice, c'est à cause de Laurent Doucet. Il m'a dit, c'est ça ou un fauve. Et j'ai pas réussi à trouver de fauve, donc feux d'artifice dans le sud, il va falloir prévenir les pompiers. Ah ouais, faites gaffe quand même, oui. Oui. Remarque, ça fait combien de temps que ça existe, Bad Geek? L'association est née, c'était en novembre 2011. T'imagines qu'on passerait chez Perdon? Faudrait lui apprendre ce que c'est que les smileys déjà. Ah non, c'est pas gagné. Sinon, on peut essayer de lui ramener un fauve, hein. Il n'y a pas un cougar dans le coin. Hein. En tout cas, Podren 3. Hein. Ouais, vous en avant, êtes en avant cas. Réunion, on le sent bien, on a envie d'y être, donc je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Et là, ça va super mal se passer, tu vois. On va tous s'entretuer. Il n'y aura plus que Laurent Doucet. Non, même des retours que nous, on a eu, on a dit aussi le dimanche après, justement, c'est que on était tous chauds pour revenir, en tout cas. Après, sur 2 jours, c'est peut-être plus une autre organisation au niveau de ceux qui vont loin, qui viennent de loin et tout. Mais ouais, ça peut être pas mal, ces trucs à faire. C'est pas vraiment différent en fait, parce que la plupart sont venus le samedi ou le vendredi et sont repartis le dimanche. Donc là, la plupart des gens sont restés à peu près 2 jours. Oui. Oui, mais du coup, moi je prends par exemple mon exemple, le mien, c'est que je suis arrivé, le débat avait déjà commencé, il y avait plein de trucs comme ça. Ouais, mais d'où l'intérêt d'avoir plus de temps pour pouvoir espacer les enregistrements, les faire démarrer plus tard. Tu vois, là, on est en train de regarder pour des salles, on n'a pas encore clairement trouvé. On s'y prend tellement en avance en même temps. Oui. Mais il y a des salles que tu peux louer jusqu'à 1h du mat, 3h du mat. Enfin, tu vois, c'est. Donc, sans aller dans ces extrêmes-là. Il y a vraiment moyen, je pense, de... Ah, 3h du matin, ça peut être marrant, sérieusement. Les mecs complètement bourrés, là, parce qu'ils sont sortis et qu'ils sont complètement déchirés. Tu commences un peu à dévoiler le truc 3-4 mois à l'avance, tu vois quand les gens... Déjà, il y avait un doodle cette année. Donc, l'année dernière aussi, hein, ça commençait par un doodle. Ouais. Donc ça, tu peux à peu près voir quand les gens seront tous là. Et essayer d'avoir un planning sympa, parce que là, en 5 heures, on était obligé de... On pouvait pas se permettre de démarrer une demi-heure trop tard, c'était impossible. après, ça se travaille. Oui, après moi c'est juste, ouais, juste ça la petite remarque que j'aurais sur la prochaine édition, c'est penser à ceux qui viennent de loin. Ah, on y pense. On y pense. Ah oui, on y pense pour le coup. En permanence. Sinon, si on n'y avait pas pensé, ça aurait commencé à 9h, tu vois. Oui. Donc, après, on aurait dû se lever. Ouais, alors samedi matin en plus, c'est dur. Ah, tu sais qu'on s'est levé quand même levé un minimum le samedi matin, parce qu'il fallait aller faire les courses, etc. Ouais. Moi aussi, je me suis levé tôt. Attends, et. On s'est couché tard, on s'est. On n'a même pas pris de Kunyaman quand j'y pense. On n'a pas pris de Kunyaman. Oui, on n'a pas pris de galette saucisse non plus. Ah, ce sera pour le soir. Pour le 3. Pour le 3, on va pas aller à Los Angeles. Un pot de 3. Un pot de 3. Ouais. Un pot de 3. Moi, j'imagine bien Nemo avec son tablier encore en train de faire les galettes saucisses à l'arrière-boutique. Alors, mon tablier, Masterchef, ouais. S'il te plaît. Avec l'aiguille qui pointe. Avec quoi? Avec l'aiguille ou le minuteur, je sais plus ce que c'est, devant. Ah oui, avec les. Bah oui, forcément, oui, le minuteur. Puis je ferai. Non, cette question, elle a du croco. C'est la question de ta vie. C'est la question de votre vie. Vous allez devoir prendre ce village mayonnais, vous allez devoir le sublimer. Oula, défi. Ouais. Au final, un des trucs que je... enfin, ça c'est une anecdote, mais un des trucs que je regarde vraiment le moins, et pour le coup c'est une idée de péremptoire, faut lui rendre hommage, c'est de donner les réponses avant de donner les questions. C'est toujours rigolo dans un jeu, en fait. Il y a le burger quiz, ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ce qui était rigolo, c'était de vous tromper de fichier, et puis de mettre le fichier où c'est toujours la réponse B que c'est le fichier. Ça c'était rigolo, ouais. Mais ça, j'étais profondément copé. D'ailleurs, j'ai demandé la démission immédiate du PowerPoint. Du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver maintenant? On va passer à la fin, hein. Fini de dire des conneries. Sur un siège. Alors moi, je suis à Brest pendant tout l'été, mais. Non, mais. En plus, sérieusement, nous, c'est dans les podcasts. Enfin, nous, la petite équipe de la So Bad Geek, on a donc ça va trancher, qui sera sur badgeek.fr, oui, de manière générale, dans la So Bad Geek. Voilà, parce que c'est pas donc la même équipe qui fait les émissions. Enfin, c'est une partie partagée, mais il y a des chroniqueurs qui n'ont rien à voir avec la So et inversement. Du coup, c'est un peu compliqué. Donc sur Bad Geek, sur Facebook, sur en général, dans on Twitter. Est, enfin, on n'est pas Twitter, voilà, on n'est pas chiant. Donc @nemotaku. Moi, je le donne pas parce que j'y suis une fois tous les 4 ans, ça sert à rien. C'est pareil pour moi. Hein. @badgeek, comme ça, on répond. Et puis, David Rampillon, tout simplement. Mais ça, je l'utiliserai plus après août quand CVT sera bien terminé et que je pourrai me consacrer à des trucs plus personnels. Voilà. Pour l'instant, ça sert à rien. Rien du tout. Et puis, dans le quoi qui se passe. Et dans le quoi qui se passe, oui. Et sinon, on peut donner nos numéros de téléphone. Ah bah, si tu veux. Alors. Et bientôt, peut-être sur podren.bzh, du coup. Podren.bzh, bien sûr. On, voilà. C'est une obligation dès que le .bzh sera sorti. Oui. On voulait le point XXX, mais ils n'ont pas voulu. Et en tout cas, je voudrais te remercier d'un truc, Azertov, c'est de nous faire enregistrer ce truc-là pendant un match de la Coupe du Monde, ce qui prouve quand même que tu as bon goût pour préférer faire un podcast plutôt que de regarder le football. Ah, parce qu'il y a du foot. Voilà, ah non, mais... Tu es quoi? Faut pas me demander, moi, les matchs, s'il y a, je m'en contrefiche. Je t'aime bien. Ouais, moi aussi. Oh. Bah, moi, je regarde pour savoir si jamais je vais pouvoir dormir de la nuit ou pas, en fait. Je regarderai quand Podren sera autant diffusé sur les chaînes. En même temps, je suis dans le sud, donc le foot, moi, c'est pas trop ça. Hein. Ah non, mais t'inquiète, dans l'Ouest. Au Brésil, oui, mais ici, non. C'est quoi ton truc, là? Ah bah, ici, c'est plus le rugby. Ah bah oui. Ah bah et puis là, ça. C'est pas grave, s'en fout, c'est du sport. Disons que c'est pas du théâtre sur un sport, quoi. Oui. quand ils ont mal, ils ont mal. Oui. On le voit au nombre de dents qui traînent derrière. Bah, du coup, je vous remercie tous les trois pour cet after. Bah, c'est nous. Surtout ouais, pareil, c'est... Oui. On t'a fait un gros fichier là. Bon, on est parti n'importe comment dans tous les sens. Ça va aller. On a mis partout, désolé. On a même parlé de pas de TV, si je veux dire. Putain, qu'on est vieux. Et puis, moi, je vous dis au prochain quoi qu'il se passe et à une prochaine sortie. Salut!

On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un coup de meilleur. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix de la guerre. Là-bas, au Connemara, on n'accepte pas la paix des Gallois, ni celle des rois d'Angleterre. Qui rentre dans un café, il fait c'est moi, et en fait c'était pas lui. Non, non, mais... non, mais elle est meilleure, mais elle est plus longue. Je la ferai plus tard. Vas-y, vas-y. C'est un gars qui rentre dans un café qui dit au barman, moi je voudrais un café pour moi, sale grosse tête de con, pour toi, gros connard, et puis pour ta mère aussi, la pute. Alors toi, le mec est un peu énervé, il le fout à la porte. Le gars, il revient le lendemain. Ouais, je voudrais aussi un café aujourd'hui pour toi, espèce de tronche de merde. Pour moi, qui suis un petit connard, et puis pour ta mère qui me suce. Alors là, le barman est vénère, quoi. Il casse sa gueule, mais un truc de violent. Au bout d'une semaine, le gars sort de l'hôpital, il revient au bar, il fait bon, je voudrais un café pour moi et pour ta mère. Et puis le barman, il fait moi, j'en prends pas. Ah non, non, toi, ça te rend beaucoup trop nerveux. Voilà, c'est la elle défaite. Elle est pas mal, elle est pas mal. Sinon, j'en connais une, hein, tant qu'on y est. Hein. Vas-y, vas-y. Il y a des juifs. Alors, c'est un mec qui rentre dans un... Enfin, j'ai dit, en plus, je la connais, David Eloy, je la connais, j'ai fait il y a pas longtemps. C'est un mec qui rentre dans un bar et puis il entend deux types s'engueuler. Et là, ils font, espèce de connard, et toi, t'es enculé. Et l'autre, il lui répond, bah, en 75, mais comment, enculé. Et t'es dit, quel mois? Je suis né en février. Oh putain, comme moi, gros bâtard, et t'es né quel jour? Bah, le 18. Mais comme moi, enculé. Et le mec fait, mais c'est qui ces deux-là? Non, mais vous inquiétez pas, c'est encore les jumeaux qui s'engueulent. J'avais déjà vu celle-là. Bon, Zertov. Bon, c'est pas très bien tenu ton podcast. J'ai envie de dire, quand est-ce que tu serres la main aux gens quand tu viens juste à côté d'eux mais que tu leur dis pas bonjour? Ouais, mais c'est la timidité, c'est pour moi, ça. Moi j'ai dit, c'est qui la grande là avec les dreads? On m'a fait, c'est Azertov. J'ai dit, ah, putain, merde. Non, mais la prochaine fois, il y aura pas. Il y aura pas, parce que c'est ça. La prochaine fois, si toi dessus, tu verras, ça va le calmer. Je lève le doigt. Ça, c'est marrant parce que vu que du coup je suis en voice meter, je peux envoyer des sons. Oh. Non. Donc du coup vous êtes prêts? Ah oui, toujours. Bah oui. Ça s'entend, je crois. Hein. Ouais. Bon bah on va pouvoir commencer.